bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette 180e émission de Rock de Neurone, toujours sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Et durant ces deux heures, je vous propose Kayak des Pays-Bas, Spleen Arcana de France, Silhouette des Pays-Bas, The Great Goose de Montréal, KBB du Japon, et Aldo Tagliapietra d'Italie, et on va conclure avec Progression by Failure de France. Alors, comme à l'accoutumée, le premier bloc de l'émission est consacré à un album que je juge qui contient assez de matière pour occuper un bloc en entier. Et cette semaine, ben, nous avons le nouveau CD de Kayak. Kayak est une formation des Pays-Bas, qui est quand même dans les parages depuis 1973. Alors, l'album qu'il nous propose, ben, c'est 17, qui, on peut l'imaginer, est le 17e album du groupe depuis 1973. Alors, c'est 17 albums en 45 ans, sauf qu'ils ont été absents de 81 à 2000. Donc, on parle ici de 17 albums en 25 années. C'est presque un album aux années et demie. Alors, le nouvel album 17, c'est composé de 12 pièces. Ça totalise 60 minutes et moi, je vous propose 4 extraits. La Peregrina, X Marks the Spot, Walk Through Fire et To an End. Alors, on débute ça avec Kayak. Oh,

The seasons will keep changing. The way we've always done. And the earth will keep on turning. Yes, life will just go on. Old mountains will be standing. Heroes healed in years from now. One life, one love won't matter. Make a difference anyhow. When the moon shows no compassion and the stars don't seem to care, know that nothing lasts forever. That's the burden we must bear. Mine can't reason. They simply fail to comprehend how this world could still have meaning if ours came to an end. Alors, ce qu'on venait d'entendre, c'est la formation néerlandaise des Pays-Bas Kayak avec quatre extraits de leur plus récent album, 17. Après la pause, Spleen, Arcana et Silhouette. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, on débute ce deuxième bloc avec une formation française. En fait, c'est le nom d'un groupe qui n'est pas un groupe. C'est un multi-instrumentiste français du nom de Julien Gaulier. Et il a un projet qui se nomme Spleen Arcana. Et il a deux albums à son actif. Le premier paru en 2009 et le deuxième en 2014. L'album s'intitule « The Light Beyond the Shades ». Et on va entendre un extrait de cet album-là. Et ça sera suivi d'une formation des Pays-Bas, Silhouette, qui ont cinq albums studio à leur actif. Et je vous propose un extrait du quatrième album paru en 2014. L'album s'intitule « Beyond the Seventh Wave ». Et on va entendre la pièce « Escape ». Alors voici, en début de bloc, « Spleen Arcana ». We'll be right back. Alors, c'était Silhouette des Pays-Bas avec la pièce Escape. C'est tiré de leur quatrième album paru en 2014. L'album s'intitule Beyond the Seventh Wave. Et en début de bloc, nous avions la longue pièce de Spleen Arcana, Memento Mori. Ça, c'est extrait de The Light Beyond the Shades. Je rappelle que Spleen Arcana, c'est l'œuvre d'un multi-instrumentiste qui a été beaucoup inspiré, on a pu le deviner, là, de Michael Field. Et l'album Tubular Bells et Omadan qui sont parus là, dans les années 70. Alors, après la pause, The Great Goose de Montréal et KBB du Japon. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, on débute le troisième bloc de l'émission avec un groupe de Montréal et j'ouvre une parenthèse ici pour signaler que Rock de Neurones, c'est un bon tremplin, en fait, une place pour les jeunes groupes de la relève du rock progressif. On en a passé plusieurs depuis que l'émission existe et là, on a The Great Goose, un groupe de jeunes musiciens de Montréal. Il est constitué en fait de 6 musiciens. On a Louis Lafontaine à la guitare, Daniel Quirion au clavier, Catherine Lorrain au violon, David Lemire à la guitare, Gabriel Gélina à la basse et Anthony Joubert Tremblay à la batterie. Ils ont 3 enregistrements qu'on peut retrouver sur Bandcamp. Alors, je vous invite à aller voir ça sur le site Bandcamp. Vous avez 3 enregistrements qui sont proposés. Et ce que je vous propose, c'est une des pièces du EP homonyme, c'est-à-dire homonyme dans le sens de l'album s'intitule The Great Goose, comme le nom du groupe. Et la pièce, c'est Polichinelle. Et on va suivre avec une formation du Japon qui est KBB. KBB qui a 4 albums à son actif. C'est aussi beaucoup teinté de violon. C'est pour ça que je mets les 2 pièces en mix. Et la pièce qu'on va entendre, c'est Antarctica. Et c'est extrait de Lost and Found. C'est paru en 2000. Je rappelle que KBB a 4 albums de 2000 à 2013, dont Lost and Found, qui est le premier, qui est paru en 2000. Alors, on débute ça avec The Great Goose. Oh. et saine, sème l'asservissement lorsque détenu par les gens humains. Thank you. Ce que vous venez d'entendre, bien, c'est la formation japonaise KBB avec la pièce Antarctica et c'est extrait de Lost and Found. C'est paru en 2000. Et en début de bloc, nous avions la formation montréalaise de Great Goose et la pièce Polichinelle. Ça, c'est extrait de leur plus récent mini-album qui s'intitule The Great Goose. Alors, après la pause, Aldo Tagliapietra, l'ancien chanteur de Les Ormés, et Progression by Failure. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Nous voici donc rendus au dernier bloc de l'émission et je vous propose une nouveauté de Aldo Tagliapietra, celui qu'on connaît comme étant le chanteur de Les Ormés. Il a quitté le groupe il y a déjà beaucoup d'années et il vient de sortir son 7e album studio. Et aujourd'hui, bien, je vous propose 4 pièces. Aldo Tagliapietra, depuis qu'il a quitté Les Ormés, avec ses albums studio qu'il a fait en solo, c'est de la musique qui s'apparente un peu à la pop. Mais ce que j'aime de Aldo Tagliapietra, ben, c'est sa voix qui me rappelle les bonnes années 70 où on l'entendait là, sur Felona and Sorona et une dizaine d'autres albums. En fait, il y a eu 18 albums studio de Les Ormés. Et lui, ben, depuis qu'il est en solo, il fait des... Il fait des chansons un peu plus courtes. Il n'y a pas de grandes envolées prog là, comme dans les années 70, mais ce que j'aime des productions qu'il nous sort, c'est la qualité des trames instrumentales qui sont aussi assez développées quelquefois et ça nous rappelle du prog. Donc, je vous le propose comme un clin d'œil au passé. Et on va conclure avec la formation française Progression by Failure qui a quelques albums. Je pense qu'il y en a deux. Oui, c'est ça, il y en a deux. Et le premier, ben, c'est un album homonyme paru en 2009 et où je vous propose Memories of the Future pour conclure l'émission. Alors, on débute avec Aldo Tagliapietra. Cercavi il profumo dell'erba e del vento, ombre di luci sospese nel firmamento. Stella che illumini il mio cammino, dammi la mano e stammi vicino. E se la memoria ha radici nel cuore, sono sicuro che un giorno ci siamo incontrati in altre vite. L'infinito è amore, ma l'amore cos'è? È il sudore dell'anima. certa è la morte di tutto ciò che muore, certa è la vita di tutto ciò che forma questo universo. All'improvviso un giorno finirà. Questi tre segni che ho sulla fronte sono la certezza che rinascerò. C'è un tempo per vivere e c'è un tempo

Alors, c'était Progression by Failure et la pièce Memories of the Future. Ça, c'est extrait de l'album homonyme paru en 2009. Et ça a été précédé de Aldo Tagliapietra et la pièce titre de l'album Invisibili Realta. Ça, c'est paru, c'est une nouveauté de l'automne dernier. Et auparavant, nous avions trois autres pièces de cet album-là. Et en fait, il s'agissait de Il Bisogno di Te, Radici et Siamo del Cielo. Alors ça met fin à la programmation musicale de cette 180e émission de Rock de Neurones. Et avant de terminer, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez écouter cette émission en rediffusion les dimanches de 10h à midi et les mardis de midi à 14h, toujours sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. En plus, la dernière émission, l'émission courante, là, est aussi disponible sur Internet à partir du site de SoundCloud et vous avez juste à taper Rock de Neurone dans la barre de recherche pour y accéder. Et si vous désirez connaître les détails exacts concernant les pièces, les albums et les artistes qui ont passé durant l'émission, bien, je vous invite à consulter la page Facebook de Rock de Neurone. Et en plus, sur cette page, bien, vous allez pouvoir y trouver aussi mon top 15 de 2017, les 15 meilleurs albums de rock progressif selon votre humble animateur. Et vous avez aussi un lien qui vous amènera à plus d'une centaine d'émissions archivées. Alors ça fait de la matière. D'ailleurs, on va fêter bientôt le 5e anniversaire de l'émission Rock de Neurones et je pourrai vous mentionner à ce moment-là les statistiques concernant les pièces, la quantité de pièces qui ont passé durant ces 5 dernières années. Alors, je vous invite à passer une belle semaine et à nous revenir pour une prochaine émission de Rock de Neurones.